Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur les ondes CKRL. Peut-être avez-vous un chat qui écoute l'émission à côté de vous. Et si vous avez un chat à la maison, vous aurez remarqué que, en fait, comme beaucoup de félins, les chats aiment marquer leur territoire. Et on sait également que chez les rats, cette odeur de chat provoque un comportement de défense rapide, inné et stéréotypé, c'est-à-dire que toute l'espèce a un seul et même comportement qui est la fuite. Par contre, un nombre suffisant de générations de rats ont payé de leur vie une mauvaise interprétation de ce signal. La peur du félin est maintenant ancrée au plus profond de l'espèce. Mais pourquoi, au lieu de fuir, certains rongeurs semblent attirés par les chats? Alors, j'ai avec moi Adeline Parent qui va tenter de répondre à la question. Bonjour Adeline. Bonjour. En fait, il s'avère que ces rongeurs, qui semblent justement attirés par leurs prédateurs naturels, soient infectés par la toxoplasmose, appelée également Toxoplasma gondii ou encore T. gondii. En fait, c'est le toxoplasme surtout. En fait, oui, voilà. Qui cause la toxoplasmose. D'accord. Exactement. C'est un parasite unicellulaire qui s'installe dans le cerveau. Des chercheurs de l'université de Stanford se sont intéressés à cet étrange comportement et les résultats de leur étude, publiée dans le journal PLOS ONE, font un petit peu froid dans le dos, en effet. Contrairement à leurs congénères sains, les rongeurs infectés par le T. gondii s'attardent là où il y a des chats, au lieu d'adopter justement l'attitude de défense et de fuir sans délai. Mais hormis le fait que le toxoplasme soit impliqué dans le phénomène, quelle en serait l'explication? En fait, pour l'équipe du Dr Patrick House, et non pas Gregory House, comme dans la série, cette équipe responsable de l'étude nous explique que la solution se trouve dans le cerveau. En 2007, toujours à l'université de Stanford aux États-Unis, l'équipe d'Ajal Vyas a montré que le parasite se fixait préférentiellement dans les zones cérébrales du système limbique, et c'est celui qui contrôle les émotions associées aux stimuli de la prédation, la peur, donc, et l'attirance sexuelle. Les chercheurs ont donc étudié l'activité de ces régions situées dans l'hypothalamus et les amygdales. Le but est d'examiner le comportement chez les individus sains et infectés en présence soit de l'odeur d'une femelle, soit de l'urine de chat. Et finalement, qu'est-ce que ça donne? Comme résultat, ouais. L'information odeur est détectée d'abord par le bulbe olfactif, donc situé à cheval entre les fosses nasales et le cerveau. Le bulbe olfactif transforme cette information en signal nerveux, transmis à l'amygdale. Donc, comme je le disais, l'amygdale fait partie du système limbique, là justement où le parasite aime se loger. Et il est impliqué donc dans les fameuses réponses comportementales de la peur, l'anxiété et aussi l'addiction du plaisir. D'accord, je vais simplement faire une petite intervention pour dire que l'amygdale, c'est pas les amygdales oui, qu'on c'est a pas dans le fond de la gorge. Fond, non. C'est celle qu'on a dans le cerveau, c'est ça. Les petites glandes, c'est ça. Non, c'est bien de le préciser. D'accord. Après que le message ait été traité par l'amygdale, il va être envoyé à l'hypothalamus qui, lui, intervient entre autres dans le contrôle d'une large gamme de fonctions comportementales, comme par exemple la reproduction ou la thermorégulation. Le rat a deux voies neurologiques séparées pour le traitement de l'information. On a une première voie pour le comportement envers un partenaire sexuel qui provoque donc l'attirance normale, et une deuxième voie pour le comportement envers un prédateur qui provoque l'évitement. Or, chez le rat infecté par le T. gondii, la réponse est complètement biaisée. L'odeur d'une femelle va toujours provoquer l'attirance, mais l'odeur de l'urine de chat va également activer les mêmes zones d'attirance sexuelle. Donc, conclusion, le message nerveux donné par l'amygdale est saboté par le parasite. Et en fait, le rat va se précipiter vers le chat avec un comportement amoureux. Mais pourquoi est-ce que ce parasite, en fait, fait-il tomber le rat amoureux du chat? En fait, le parasite a besoin de deux hôtes. Un hôte intermédiaire, comme les souris, rats, moutons, où le parasite se transforme en kyste et est en attente d'une réactivation. Donc tous les mammifères à sang chaud sont des potentiels hôtes intermédiaires, et c'est donc ce qu'on appelle la phase latente. Et nous avons, pour finir, le fameux hôte définitif, qui est le chat, et donc toute la race des félins, où le parasite est réactivé, bien sûr, si le chat mange la fameuse souris qui est atteinte de la T. gondii, sinon ça fait rien. Et le parasite... Sinon, il porte pas le... Non, mais non, il porte pas de gêne, bien pas. Et le parasite peut enfin se reproduire sexuellement dans les intestins du chat et boucler ainsi son cycle de vie complexe. Et je précise, seuls les félins sont des hôtes définitifs. Alors, si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire que le rat et le chat doivent être tous les deux infectés par le toxoplasme pour que cette attirance... Non, non, non. Non, en fait, le chat est présent dans la pièce, on va dire. Ouais. La souris est atteinte du T. gondii, donc la souris va tomber amoureuse du chat. Okay. Elle va se précipiter vers le chat. Le chat va manger la souris. La souris est atteinte du T. gondii, donc il va le digérer. Donc le T. gondii va atteindre les intestins du chat, puisqu'il le digère. Okay. Et donc, il va pouvoir se reproduire. Donc le chat ne pourrait ne pas porter le toxoplasme. Non, le chat ne pourrait pas, mais dès qu'il a mangé la souris qui est infectée, ah, bah oui, il s'est contaminé. Voilà, et donc, dès dès qu'après, il va faire des déjections, en fait, la prochaine souris ou la prochaine personne qui touche les sécrétions du chat ou bref, va être contaminée à son tour. Okay. Mais comment les chercheurs expliquent ce comportement ? Alors, donc, au-delà de la relation rat-chat, le toxoplasme est aussi un parasite humain. Parce que il faut savoir que ce qui est important dans cette étude, en fait, c'est finalement qu'elle atteint également les humains. C'est bien beau de savoir que le chat tombe amoureux du rat, enfin le rat tombe amoureux du chat. Mais en fait, ce qui est intéressant pour les chercheurs actuellement, c'est que ça atteint également l'humain, et donc on voudrait savoir si finalement ce comportement-là peut avoir le même effet sur les humains. Ah oui. Est-ce que finalement ce parasite peut contrôler les désirs sexuels. Voilà, je sais pas. Et en fait, l'infection chez l'homme est généralement asymptomatique, heureusement pour nous. Par contre, elle est juste très dangereuse pour le fœtus. Je ne m'attendrai pas sur le sujet, puisque ça fait un sujet en soi. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux femmes de faire attention de ne pas manger des légumes, pas laver, ou d'avoir des chats, plutôt de s'éloigner des chats. Ou de la litière de chat. Voilà, exactement. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en France, il y a quand même plus de la moitié de la population qui est infectée. En général, justement, à cause de la consommation de viande mal cuite ou du contact avec la litière des chats. Mais bon, comme c'est asymptomatique pour les humains normaux, on se doute bien par contre que la découverte des modifications comportementales chez le rat et la souris, comme je le disais, pouvait amener certains scientifiques à se poser des questions. Donc effectivement, est-ce que le toxoplasme pourrait avoir des effets similaires chez les humains, même pendant la fameuse phase latente dont je parlais à l'instant. Mmh. Alors en fait, plusieurs études récentes proposent que le parasite puisse jouer un rôle dans plusieurs choses. L'adaptation de conduite à risque, le déclenchement de la schizophrénie ou les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, comprendre effectivement en détail le toxoplasme qui agit donc sur le cerveau nécessitera encore un long travail de recherche. Par contre, en attendant, les comportements observés, s'ils sont provoqués par le parasite T. gondii, sont probablement justement dus à l'infection et à une discrète encéphalite, donc justement liée à la présence de kystes dans le cerveau, ce qui peut provoquer ou induire la production d'un neurotransmetteur et éventuellement la dopamine. Alors ça a un peu le même mécanisme que les inhibiteurs de la recapture de la dopamine ou les antidépresseurs ou les stimulants. En fait, les chercheurs ont également trouvé des corrélations entre la toxoplasmose latente et certains traits de comportement. Ah bon ? L'augmentation des comportements de prise de risque, le ralentissement des réactions, le sentiment d'insécurité et de doute. Alors, effectivement, tout ça c'est fascinant. Mais les preuves d'effets possibles sur le comportement humain restent encore relativement peu étayées. Comme je le disais, il n'y a aucun essai clinique randomisé pour étudier les effets du toxoplasme sur le comportement humain. Les études ont néanmoins trouvé une association entre la toxoplasmose et une augmentation du taux d'accident de voiture, risque doublé, voire triplé, par rapport aux personnes non infectées. Alors tout ça, on revient sur quoi ? Sur le fait que dans les comportements, il y a un ralentissement des réactions, par exemple. C'est ça. Ou l'augmentation des comportements de prise de risque, ça pourrait être lié. Donc, il y a quelqu'un, un chercheur, Jaroslav Sprague, du Guardian, qui dit que si les données sont exactes, cela signifie que 1 million de personnes chaque année meurent uniquement parce qu'elles sont infectées par le toxoplasme. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur le rôle de la toxoplasmose dans la schizophrénie ? Alors, la possibilité que la toxoplasmose soit une des causes de la schizophrénie, ça a été étudié depuis plusieurs scientifiques, déjà depuis 1953. Donc, c'est pas récent. Ces études n'ont pas attiré l'attention des chercheurs à l'époque, jusqu'à ce qu'elles soient diffusées dans le cadre de travaux de l'imminent psychiatre et avocat Yves Fuller-Thoret. En 2003, Thoret a publié une revue rapportant que presque toutes les études ont révélé que les schizophrènes ont des taux élevés d'infection par le toxoplasme. Un article en 2006 a même suggéré que la prévalence de la toxoplasmose avait des effets à grande échelle sur la culture d'un pays. Donc là, il commence à s'emballer dans les idées. Mais comme encore je le disais, ces études sont certes séduisantes, mais leur méthodologie ne permet pas d'affirmer l'existence d'une relation de cause à effet entre l'infection et la maladie en cause, justement. Parce qu'il est tout à fait possible que ce soit la schizophrénie qui augmente le risque d'infection par le toxoplasme plutôt que l'inverse, par exemple. Alors, merci beaucoup, Adeline, pour ces explications. Alors, nous allons faire une courte pause musicale et on vous revient, c'est ça, après.